Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Le festival Les Étoiles de Sion se déroule ce week-end à la Cité des Paysages sur la colline de Sion. Michel Henneman, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'association Orient Art qui y participe ? Oui, c'est ça, plus précisément du comité d'organisation. Un mot sur cette association Orient Art dans un premier temps ? Orient Art est une association qui promeut les échanges culturels, qui a plusieurs actions éducative, pédagogique, d'initiation à l'art, et qui chapeaute notamment un groupe de musique orientale. Dites-nous maintenant ce qui va se passer ce week-end, les Étoiles de Sion. En quoi consiste ce rendez-vous ? En fait, ce rendez-vous consiste à mettre en avant les rapports entre la culture et la nature. Ça s'axe sur l'ouverture aux autres cultures, aux autres types de musique, au slam, à la poésie, mais aussi à la nature, à l'écologie, la préservation de la nature et du monde animal. J'ai une envie de créer un vivre ensemble beaucoup plus ouvert et harmonieux. Ça fait longtemps que ça existe, ce rendez-vous, les Étoiles de Sion, le festival ? En fait, non, c'est le premier qui porte ce nom, mais l'année dernière, donc, à l'issue du premier confinement, une commerçante qui travaille dans le commerce éthique et équitable à la colline de Sion, Christine Rotter, a pris contact avec des jeunes musiciens, des jeunes associatifs et de fil en aiguille. Il y a tout un collectif qui s'est formé et qui a créé un événement le temps de week-end qui portait en prémisse le festival avec de la musique orientale, africaine, un grand repas, plein de choses autour de la paix, de l'écologie et du vivre ensemble. Il va y avoir beaucoup d'ateliers pour se détendre, imaginer, créer, voyager, découvrir des pratiques qui égayeront son quotidien. Vraiment, ça découle de ce premier confinement et de cette envie de vivre des choses ensemble. De vivre des choses ensemble, et puis de peut-être installer, enfin potentialiser des nouveaux modes de vie. Quoi, parce qu'on dit souvent le monde d'après est le monde d'avant, mais il y a aussi le fait de vouloir renouer avec la solidarité, la nature, la culture, et puis ce que les gens savent faire localement, puisqu'il y aura beaucoup d'artisans locaux, tant pour la nourriture que pour les vêtements, des choses comme ça. Donc pouvoir montrer aux gens, même à travers des ateliers d'écriture, montrer qu'ils peuvent être créatifs et reprendre des choses en main eux-mêmes, et ne pas subir simplement, ne pas se sentir désemparés face à tout ce qui arrive, la mondialisation, les épidémies, des choses comme ça. Quoi. Exactement. Alors le programme est très chargé hein, sur ce week-end, on l'a dit, des concerts, des ateliers, des conférences. Comment on fait pour se retrouver, s'organiser ? Peut-être il faut s'inscrire aussi à ces différents rendez-vous, comment on fait ? Pour les ateliers, donc il y a une possibilité de s'inscrire en ligne, donc via la page Facebook, dont le nom c'est simplement Festival des Étoiles de Sion. Donc il y a un petit module où on peut s'inscrire à des ateliers d'écriture, puis on peut s'inscrire sur place à l'accueil. Mais bien sûr, compte tenu des restrictions sanitaires, enfin même si elles sont levées, il y a une organisation autour du nombre de participants par atelier, etc. Donc, tout est organisé pour que ça se passe du mieux possible et pour voyager, imaginer, créer et découvrir de nouvelles pratiques. Et donc c'est ce week-end, des 3 et 4 juillet, le festival Les Étoiles de Sion à la Cité des Paysages sur la colline de Sion. Et vous l'avez dit, la page Facebook pour retrouver toutes les infos et organiser sa visite. Merci beaucoup Michel Henneman. Merci à vous et à bientôt.